Je flotte encore dans un océan bleu. Y'a de l'eau qui coule sur ma tête, sur mes cheveux. C'est pas la fièvre, c'est moi qui suis un peu sonné, tapé, dingo, frappé. J'suis là, entré chez le toc, toc, toqué. J'vois pas grand monde, à part les araignées de mon plafond qui me chatouille la citrouille. Pourquoi je vais le dire, c'est ma vie que j'ai loupée, ratée, usée dans l'eau. Alors, voyez, je suis le toc, toc, toqué. Je m'en fous, je me marre, je vois des éléphants bleus et qui roucoulent en tutu. Camailleux, venez aussi, c'est comme ça qu'on est mieux. Sonnez, tapez, dingo, frappez. C'est là, entrez chez le toc, toc, toquez.